souviens, Catherine, pendant le gros débat sur la Charte des valeurs, à un moment donné, il y a une musulmane voilée qui s'est faite agresser. Là. Hein, qui à Laurier-Québec, oui. Oui, qui a été, bon, pour, ça a fait le tour du Québec, de la province, je sais même pas si ça a pas fait le tour du monde. Ici, au 93, on en a parlé, là. Mm-hmm. Ça n'avait aucun bon sens, là. Madame qui est voilée, qu'on soit pour, contre, Charte des valeurs, est en train de faire ses emplettes à Place Laurier, parce qu'elle s'est fait ramasser avec des propos racistes. Alors, je me souviens d'avoir parlé à la victime, ici, en onde, pour dénoncer ça. Il y a eu un autre événement à Québec. Il y a une Québécoise qui a été insultée de façon raciste par une femme voilée. Hein, le fameux, l'histoire du centre d'achat, ouais. La madame assez âgée qui s'est faite insulter. Ça aussi, on en a parlé au FM 93. Mais là-dedans, on a été tout seul. Puisque la victime de l'intimidation était une Québécoise blanche et que l'agresseur était une musulmane voilée, la majorité des médias n'ont pas touché à ça. Pas touché à cette histoire-là, c'est touché. Non, on n'aime pas ça, on n'embarque pas là-dedans. Il y a un pattern, un peu comme la violence conjugale. Hein? Toujours le même qui a le mauvais rôle, c'est toujours la même qui a le bon rôle. Alors que les stats nous disent que c'est à peu près 50-50, la violence conjugale. Mais non, le pattern que des groupes d'intérêts qui ont des agendas, c'est pas un hasard, ont installé, c'est l'homme bat la femme. Le reste, on n'en parle pas. Même affaire en matière de violence raciale. C'est le blanc qui attaque, par exemple, une musulmane. Le reste, on veut pas en parler. C'est dommage. Et on a un exemple le matin dans l'actualité. Remarque, dans ce cas-ci, je pense qu'on va en parler, mais j'ai l'impression que ça va être 100 fois moins que ça avait été l'inverse. Imaginez un peu qu'en fin de semaine, dans un bar à Québec, que deux Noirs aient été attaqués par des Blancs à coups de couteau, à grands coups de nègres par-ci puis par-là. Ça fera le tour de... Puis avec raison, là, moi j'en parlerai, là. Il faut dénoncer le racisme ou la violence conjugale ou etc. Qu'importe la couleur ou le sexe des participants. Mais c'est pas demain que ça marche. Alors un matin, on va en jaser. Parce que c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas des Blancs qui ont agressé des Noirs. Et, pas dire, on en aurait parlé, ça aurait été tout aussi con, là. Il semble qu'il y a eu une attaque raciste par des Arabes à l'endroit de citoyens Blancs. Ça se passe à Lausanne. On a une des victimes, c'est pas lui qui est la principale victime, c'est un de ses amis là qui est blessé plus sérieusement, mais il a été au centre de tout ça. On s'en va rejoindre une des victimes donc de l'altercation à Lausanne. Manu, côté, bon matin. Bonjour, ça va bien? Yes. Alors Manu, raconte-nous donc, on va situer ça dans le temps, l'endroit. C'est à Lausanne en fin de semaine, celui, parce qu'il y en a deux, il y en a un sur Grande Allée, sur Laurier. Là, c'est à Laurier, c'est bien ça? C'est ça, oui, c'est on, ça. On est quand exactement là? Dans la nuit de jeudi à vendredi. OK, t'étais là avec une gang de chums. Est-ce que c'était une soirée bien arrosée, spéciale ou la routine? On sort un peu entre amis. Comment ça se passe? Non, c'est une bonne soirée, là. On était là pour l'Halloween, si on veut, là. C'est une bonne soirée, là. OK, fait que ça sans se cacher, qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Vous étiez à la fête un peu, là. Oui. OK, et vous aviez pris la décision, quoi, de coucher à l'hôtel? Oui, c'est ça. Dans le fond, on a décidé de coucher à l'hôtel pour. Après ça, j'allais l'emmener à l'école pour prendre nos chars, pour faire des niaiseries, vu qu'on se dit, on va prendre une chambre d'hôtel, on va dormir là, soir. Très bonne décision, on fait le combo, on fait le party, puis elle est évidemment sur le riz à l'hôtel juste à côté. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment où vous quittez le bar, si j'ai bien compris, vous êtes dans le corridor de l'hôtel, il s'est passé un événement, raconte-nous. Bon, fait que dans le fond, disons, on s'en allait se coucher. Oui. C'est autour de 2h, 2h20 à peu près, on décide d'aller se coucher. On est moi, trois de mes amis. Sur un corridor, il y a deux personnes qui nous rentrent dedans. Ça commence de même, rien de gros. On commence à parler avec eux autres, on leur demande pourquoi ils nous rentrent dedans, c'est quoi qu'ils font là, non. Les deux commencent à s'énerver, si on veut, ils commencent à lever le ton. Là, mon ami, on se regarde, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Maintenant, les deux commencent à vraiment vouloir se pogner, fait qu'on dit, bon, ben, c'est ça qui est ça. Mon ami fait un pas en avant, l'autre sort un couteau. Oh. Le deuxième attaquant, si on veut, décide d'embarquer. C'est là que moi, je décide d'entrer en faire un instinct. Je pogne tout de suite le deuxième qui a voulu embarquer. J'allais loin, plus loin. Je me pogne avec lui. Ça continue de même. À un moment donné, là, dans le fond, on s'est battu ensemble, si on veut. On se le cachera pas. Je me suis battu avec. C'est là que j'ai la tête. Il s'est fait piquer. Et je me demande ce qui se passe. En même temps, je reçois un coup de poing sur le bord de la tête. Là, c'est là qu'après ça, je suis pogné avec les deux gars. Puis là, je me demande si ma mère, ce qui se passait, moi, là. Je pars à la cour, je m'en vais dans le coin, il y a mon chum qui est piqué trois fois dans le bras. Oh. Il est couché dans le bras, puis il est couché dans le mur, puis il saigne à côté du bras, là. OK. Là, c'est là que je me dis, OK, c'est pas juste une petite histoire de coup de poing sur la gueule, là. C'est pas... Non. Fait que là, c'est là qu'on part à la course vers la chambre. Il y a plein de monde qui est là. Il y a de monde qui comprennent plus ce qui se passe. Puis là, d'autres non plus, on ne comprenait pas trop ce qui se passait, là. Mais un couteau, tu sors un couteau, là. C'est comme... Même encore là, on s'en rend un peu ce qui se passe. Ça s'est passé tellement vite. Est-ce que l'état des blessures, c'est quoi? Il y a eu ton... Donc, il y a un de tes amis qui a été blessé. Est-ce que c'est sa vie est menacée? Non, il est hors de danger ce matin? Non, hier, dans le fond, je suis allé rendre visite. On peut commencer à aller le voir, dans le fond. Il fait le mieux, il se porte bien. Il n'y aura pas aucune séquelle au bras, d'après moi, mais il a mal. Il est capable de bouger pour l'instant, mais ce que les docteurs peuvent dire, il devrait s'en sortir sans aucune séquelle. OK. Ce matin, on parle d'une attaque raciste dans les journaux. Pourquoi? Ouais, qu'est-ce qui te fait dire que ça peut être relié à ça, Manu? Quand je te parlais de le deuxième attaquant, si on veut, là. Oui. À un moment donné, j'ai dit, gars, j'arrête, c'est beau, c'est fini, là. C'est là que j'ai commencé à me dire, je nique ta race. Oh. Là, c'est là que j'ai fait, OK, c'est pas des Québécois, ceux-là, là. Je nique ta race, c'est des expressions qu'on connaît un petit peu moins ici, mais qu'on entend souvent là-bas en Europe. Non, mais moi, j'avais jamais entendu ça, personnellement. Là. En Europe, là, dans les stades de soccer, c'est parce que moi, je suis le soccer et le football, là, je peux dire que ça se chante ça en masse. Là. Okay. Je nique ta mère, je nique ta race, je nique ta... C'est eux autres, ils se chantent ça. Là. Disons que c'est dans le langage local, là-bas, de la violence un peu. Là. Ah, OK, c'est ça. Moi, j'avais jamais entendu ça ici. Non, c'est pas des expressions à nous. Fait que je nique ta race, c'est ça que t'as entendu, t'es sûr de ta shot, là. Très, très sûr. C'est une des seules choses que je peux me rappeler très, très, très clairement qui m'a marqué de la soirée. Et dans l'altercation, les couteaux sont sortis rapidement. Tu dis tantôt... Très rapidement. Parce que... J'ai rien valu. Moi, personnellement, je me suis pas qu'il y a la deuxième attaquant. J'ai jamais vu son couteau. Okay. C'est le lendemain matin, me réveillant, que je me suis rendu compte qu'il y avait un couteau, ben j'avais moins de coupé, puis j'avais ma chemise de coupé. Est-ce que, puis là je te pose la question, je veux pas faire l'avocat de la défense, tout ça, mais les gens qui écoutent, bon, vous étiez quatre, il y était deux. Est-ce que, on a déjà vu dans des bagarres des gars sortir des couteaux parce que là, à un moment donné, ils en mangeaient toute une, puis une question de légitime défense. Si j'ai bien compris de ton témoignage, ils ont sorti les couteaux dès le début de la bagarre, pas une fois qu'ils étaient à terre, menacés ou qu'ils mangeaient une volée. C'est la première fois qu'ils ont fait. Moi, la mienne a fait un pas en avant, l'autre a sorti le couteau. OK. Dès le départ, puis vous les avez... Est-ce que il y avait deux, vous étiez quatre, eux autres, ils étaient deux. Est-ce que vous êtes battus à 4-2 ou non, à 2-2? On était moi l'année en avant, OK? On était les deux, comme si on veut dire en 2-1, en 2-2, si on veut, là. Oui. On peut dire ça de même. OK. Là, c'est là que moi, dans le fond, j'ai séparé l'autre, puis après, la victime s'est faite poignarder 3-5 fois, là. Oui. Elle a séparé mon ami de l'autre, puis c'est là que l'attaquant a sauté sur lui, puis il l'a poignardé. OK. Est-ce que, dis-moi, tu sais, moi, je sors en ville aussi, puis c'est important de dénoncer ça quand ça arrive, puis que ça soit d'un bord, de l'autre, qu'importe les couleurs, moi, je trouve ça dégueulasse. C'est que des gens qui se pognent des bords en passant, là, ça va arriver une fois de temps en temps, les esprits, c'est chaud. Mais quand on sort les couteaux, puis il y a des commentaires racistes comme ça, c'est dégueulasse. Mais est-ce que c'est la première fois que tu es témoin de ça en ville? Des couteaux, c'est sur le même, ça, c'est la première fois. OK, des bagarres, j'ai déjà assisté à ça, j'ai déjà vu. Oui. C'est tel que tel, ça se peut, tout le monde sont sous, ça se pogne. Mais des couteaux sortir, surtout pour regarder quelqu'un, j'avais jamais vu ça. Moi non plus. C'est important ce qu'on le mette dans le contexte. On voit pas ça une fois, c'est une fois de trop. Parce que tu sais que ça aurait pu un couteau mal placé, puis là, tant mieux, ça s'est terminé, les blessures. Ah oui, un coup de couteau mal placé dans le ventre à quelque part, puis peut-être bien qu'on se parlerait pas un matin. C'est ça. Moi, j'étais très chanceux de m'en sortir avec seulement une main et une chemise déchirée. Puis je sais même pas comment j'ai fait. Je n'ai aucune idée, ça a donné le même, je suis chanceux, je m'en compte chanceux. Est-ce que vous avez, j'imagine, rencontré les policiers, il y aura enquête, on va attendre avant de statuer, mais est-ce que c'est des individus de l'extérieur ou de Québec? As-tu une idée? On n'a aucune idée encore, il n'y a rien de... C'est vague, très vague encore, moi. OK, là, ils se sont sauvés, ils n'ont pas encore été rattrapés. Non, dans la nouvelle, non. Bon, on va continuer à suivre l'enquête et le déroulement. Merci beaucoup, Manu, de nous avoir parlé ce matin. Il n'y a pas de problème, là. Merci, bonne journée. Bonne journée. Manu Côté qui s'est fait agresser, il y a eu une bagarre, là, faut le dire, la bagarre, là, ils sont rentrés dedans, là, lui, il me dit, puis je le crois, là, que c'est les deux individus d'origine arabe qui leur ont rentré dedans, mais sur le début de la bagarre, c'est pas parce que je veux m'imposer arbitre ou pas croire quelqu'un, là, t'es chaud, t'es dans les bars, tu sais, c'est OK, là, c'est commencé à... Bon, les esprits s'échauffent rapidement. Qui c'est en premier, qui est rentré dans qui sait que c'est pas tassé, ça, on va reprendre son expression, c'est tel que tel, ça arrive. Je veux pas défendre ça, c'est pas correct de se battre, mais bon. Le monde est chaud, les esprits s'échauffent. Mais selon son témoignage, les deux individus ont sorti les couteaux en premier. Ça, en passant, je comprends pas ça. Qui c'est qui sort ensemble? Il me semble quand tu sors, là, pars en ville, là, mets ton téléphone cellulaire dans une poche, mets une carte de crédit ou une carte de guichet, ton portefeuille, tes clés, puis excuse-moi, mon couteau. C'est quoi ça? Moi, l'individu en partant qui sort en ville avec un couteau, je m'excuse, là. Peut-être qu'eux autres, ils ont une autre version sur la bagarre qui a... Mais ça, tu quoi? déjà là, en partant, si t'avais un couteau dans les poches, pour moi, là, t'es louche. Je suis d'accord avec toi. Quand ben même que c'est les quatre qui ont peut-être poussé, là. Je dis pas ça, mais si on parlait aux deux agresseurs, il y aurait probablement une autre version. Mais qu'est-ce que tu faisais avec un couteau dans tes poches? Je suis le seul, moi, en sortant de chez nous, qui check souvent mes poches, voir si j'ai pas oublié de quoi. Moi, j'étais un peu malade de ça. Mes clés sont là, mon argent est là pour payer le taxi. Mais là, si j'ai bien compris, il y en a d'autres qui... Argent, couteau, OK, c'est beau, cellulaire. Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle sorte de monde tu vis? C'est quoi ton but? Alors, les deux individus ont sorti les couteaux, en partant, selon Manu, puis un de ses chums a été piqué. Lui, il s'en est pas rendu compte, mais on a des histoires à Québec, on en a, là. Du monde qui sont morts, non, c'est la rue Saint-Jean, il y en a un qui est mort, on s'en souvient, là, pas besoin de rappeler tout ça. Ça prend un coup, hein, avec un couteau. Mal placé, t'arrives à l'abdomen, fini. Là, il y a eu plusieurs coups de couteau, ils ont été très chanceux. Et il y a eu des propos racistes qui sont inacceptables. Même si c'est à l'endroit des Blancs, c'est inacceptable. Mais on va continuer à suivre ce dossier-là. J'ai comme l'impression que ça n'aura pas les répercussions que ça aurait eu si les rôles avaient été différents, malheureusement. Et je tiens à le préciser cependant, heureusement, des affaires comme ça, on n'en voit pas souvent à Québec. Non, Dieu merci. Regarde, lui, il s'en est mort à masse, ça, il dit, j'ai déjà vu des bagarres, j'ai vu... Puis j'ai jamais été témoin de ça. Fait qu'il faut pas capoter non plus. Faut commencer à crier au complot. C'est des événements isolés, mais quand même inacceptables. T'as raison, Sylvain, que quand on avait parlé de la dame qui avait été insultée par des femmes musulmanes, on avait peut-être été les seuls à en parler. Mais t'es d'accord avec moi, puis les chiffres le prouvent, que ça a été un des segments les plus écoutés de l'émission cet automne, puis ça a voyagé, cet extrait-là, très, très loin. Oui, parce qu'on était tout seul à en parler, justement. Ouais. Parce que c'est ça l'affaire que j'aime pas. Là, ça avait été deux Noirs qui avaient été battus à coups de couteau par deux Blancs qui auraient crié « Hey, les nègres dedans », à matin, il y aurait trois conférences de presse. Une de la Ligue des Noirs, une des droits civiques, une des droits civils, une de Québec solidaire, une de... Tu me suis-tu? Très bien. Puis là, il y aurait... Puis ça, tu quoi? Il aurait pu me caler à leur conférence de presse, j'aurais été qu'eux autres, j'aurais dénoncé ça. Je trouve ça épouvantable, moi, d'un côté ou de l'autre. Même affaire, puis je veux pas leur reprocher, il y a des groupes qui sont très bien organisés, ça avait été une attaque antisémite, je peux te dire que les Juifs auraient monté aux barricades et avec raison, oui. Ils se défendent. Mais moi, ce que je reproche, c'est que souvent, quand les... Quand même. Non, Catherine, non. Non. On peut gager ensemble, non. Okay. Non, et on devrait... Que ce soit des Blancs qui sont racistes, inacceptables, si c'est des Arabes qui m'ont niqué ta race couteau, no way, faut qu'on soit capable de mettre une barrière contre ça, qu'importe d'où ça vient. 7h27, vous avez des commentaires, vous avez déjà été témoin de choses du genre, 670-9330 ou studio.